Bonjour tout le monde, je m'appelle André Péloquin et vous écoutez Pod Modernisme, la 24e édition spéciale Malajub. Oh que oui, mesdames et messieurs, ici André Péloquin, vous écoutez Pod Modernisme, la balado-diffusion qui tente de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec, que ce soit en anglais, en français, que ce soit du country, de la dance music, de la house music, du rock, peu importe, sauf de la polka. J'espère que vous passez une agréable semaine. On est aujourd'hui dimanche, le 5 février. D'ici quelques jours, le 7, Malajub va lancer son deuxième album sur l'étiquette Dare to Care. Il s'agit bien sûr de Trompe-l'œil. Histoire de célébrer tout ça, cette semaine à Pod Modernisme, on vous offre un spécial Malajub. Vous allez y entendre des pièces du compte complet, leur premier album de ce fameux Trompe-l'œil qu'on a attend tous impatiemment, et quelques démos. On va d'ailleurs débuter avec ceux-ci. Vous aurez la chance d'entendre des enregistrements plutôt rares. On va débuter avec Recto Verso, qui est tiré de leur démo du même nom, qui a été lancé en 2003. Vous allez entendre aussi la pièce Cube Rubik, tirée du démo Robot Sexy. Et on va terminer avec une pièce en anglais qui s'appelle Lobelia Dekeni. C'est tiré du démo de 2002. Tu vas avoir peur. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, vous pouvez me rejoindre à Pod Modernisme. C'est le podmodernisme@gmail.com ou encore passer par mon site web. C'est le podmodernisme.blogspot.com. Et d'ailleurs, vous pourrez y trouver deux articles que j'ai écrits pour le Bang Bang de février. Pour plus de renseignements sur ce mensuel, www.bangbangtemort.com. Vous allez y trouver l'entrevue complète que j'ai réalisée avec le groupe en décembre. Est-ce qu'on parle de leur tournée en France, de leur album Patati Patata, ainsi qu'une critique de ce fameux disque quelques jours avant qu'il se retrouve dans les bacs des disquaires. On débute dès maintenant, on arrête le blabla, on passe en musique avec Recto Verso sur Pod Modernisme. Yeah. alors. Je pense qu'il n'a pas si tranché bien d'or. Je vous le dis, c'est le call by telephone on your mobile phone. Oh, when you're with the smartphone, ask you to meet him outside of your car. Yes. Yes, that is exactly it. I drove my daughter to the swimming pool, parked my car, left the keys in the ignition. And what happened? When you met him outside in the car park 45 minutes later, he opened the boot of the car, my car, and showed me the body. Yes, he did. Showed me the body. Till that moment, had you ever seen Cassie Boone before? Of course I have. Why don't you listen to me? Oh là là, à ce qu'on s'amuse. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours Podmodernisme, la balado-diffusion qui se spécialise dans tout ce qui est alternatif musicalement parlant au Québec. Et on vient de terminer notre premier bloc de ce spécial Malajube, l'album Trompe-l'œil, je vous le rappelle, chez les disquaires dès le 7 février. On vient de terminer alors avec un premier bloc démo des pièces rares qui ont été accumulées au fil des années. On vient de terminer avec Lobelia Dekeni, c'est tiré du démo Tu vas avoir peur, lancé en 2002, un peu avant, avec Cube Rubik, tiré du démo Robot Sexy. On a débuté tiré du démo Recto Verso, la pièce du même nom, Recto Verso. C'est un démo qui a été lancé en 2003. On va poursuivre dès maintenant avec un album qui s'est écoulé à un peu plus de 6000 copies durant la dernière année, qui a permis à Malajube de se produire en France, de faire la manchette de plusieurs journaux, de faire la pluie et le beau temps sur les palmarès de radio universitaire et communautaire de la province. Je parle bien sûr du compte complet. On va entendre trois pièces tirées de cet album. On va débuter avec le Robot Sexy. Ensuite, histoire de faire différent, on va vous passer la version un petit peu plus mat rock du métronome qu'on peut entendre sur la compilation Pop Montréal Sampler 2003. Et on va terminer avec un classique, la pièce francophone qui a été le plus jouée à CISM 89.3 FM pendant l'année 2005. Je parle bien sûr de La Valérie. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, faites-me rejoindre à podmodernisme@gmail.com ou encore passer par le site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On débute de maintenant avec le Robot Sexy. Thank you. Bon mot de la fin tout le monde, bonjour, c'est toujours André Péloquin qui vous parle en direct de votre baladeur, de votre ordinateur, de votre iPod, peu importe. C'est Pod Modernisme, la balado-diffusion qui se spécialise dans tout ce qui se fait d'alternatif dans la zig-zig au Québec. C'est toujours le spécial Malajube qui se passe dans vos oreilles. On vient de terminer avec un bloc hommage au compte complet, on vient de terminer avec la Valérie. Un peu avant, on avait tiré de la compilation Pop Montréal Sampler 2003, la pièce Le Métronome, qui est différente de l'album Compte Complet. Et on a débuté avec Le Robot Sexy, tiré de ce fameux album lancé sur l'étiquette d'Air 2K en fin 2004. On va poursuivre dès maintenant avec un bloc qui va se concentrer sur des pièces du trompe-l'œil, histoire de vous mettre l'eau à la bouche en attendant le 7 février et le concert du 14 à La Tulipe. On va débuter avec une pièce que vous pourrez aussi retrouver sur la compilation 15 ans de marge de la station de radio CISM 89.3 FM. Ça s'appelle Fille à plumes. Et si vous aviez de la cire dans les oreilles, ça va décoller en criant ciseaux. Ensuite, on va poursuivre avec une pièce qu'on peut déjà entendre depuis quelques semaines sur les radios communautaires et universitaires de la province. Je parle bien sûr de ce duo avec Pierre Lapointe, Montréal, moins 40 degrés Celsius. Et on va terminer avec une pièce tirée du concert enregistré lors de la Nuit Blanche par Bande à part, évidemment. C'est la pièce Thomas, je suis ton plat favori. Une pièce qu'on pourra retrouver sur l'album aussi, mais dans une toute autre version, une version plus peaufinée. Si vous voulez entendre le résultat avant, après, eh bien écoutez, là-dessus, c'est André Péloquin qui vous souhaite une agréable semaine, un bon trompe-l'œil. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à podmodernisme, podmodernisme@gmail.com. Il y a aussi le site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Là-dessus, j'aimerais remercier Ellie, Steve, tout le monde de Bon Sound et bien sûr le groupe pour m'avoir aidé dans la sélection de démos, de m'avoir donné l'autorisation de faire ce spécial. Là-dessus, nous, toi, moi, vous, amateurs de musique alternative au Québec, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres aventures excitantes dans le monde des artistes qui ne sont pas sur Québécois. Bonne semaine, tout le monde! Hey, good idea.